garde son sang-froid. Pourquoi ne l'aurait-il pas, puisqu'il est bien gardé par toutes ses majestés? Paris a gardé son sang-froid. Pourquoi ne l'aurait-il pas? Il ne s'est rien passé. Il est bien gardé.